بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الثاني في حول محاضرة الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى أدب السؤال. Notre deuxième rencontre autour de cette conférence de Cheikh Salah al-Sheikh Habibullah Ta'ala, qui concerne le comportement, comment poser le comportement à avoir pour poser les questions aux hommes de science. فوقفنا عند الفقرة التي من الآداب، وهي عدم ذكر قول المخالف أمام العالم والمنع من تتبع رخص العلماء. Nous sommes au paragraphe où il ne faut pas faire partie du comportement de ne pas citer. Quand tu poses une question à un homme de science, quand il te donne le verdict, tu ne lui cites pas une parole qui est en divergence avec son verdict. Hein? Et aussi, dans ce paragraphe-là, nous allons nous retrouver avec un truc à ne jamais faire, c'est de suivre les autorisations et les facilités d'homme de science. Tu suis la facilité qu'il a celui-là, la facilité qu'il donne celui-là, etc. Là, c'est très dangereux pour la personne. Il ne fait pas partie du bon comportement de quand tu poses la question à un homme de science et qu'il te donne un verdict, tu lui dis « Mais tel cheikh, il a dit ceci. » Et ceci est très courant et très chez les jeunes d'Europe, en général, ils n'arrêtent pas avec ça. Mais il parle avec Cheikh Obeid Habibullah Ta'ala ou avec Cheikh Abdel Malik Ramadan ou autre, et quand il leur donne le verdict, il leur dit « Mais Cheikh Ibn Baz, il a dit ceci. Cheikh Uthaymeen, ils savent. Tu crois que lui, il ne sait pas que Cheikh Ibn Baz a dit ceci. Il ne sait pas que Cheikh Al-Albani il a cette position ceci. Il le sait. Il le sait peut-être avant qu'on naisse, nous. Hein? Et avant qu'on connaisse, qu'on maîtrise la langue arabe, il le sait. Donc, tu n'as pas, ça fait, c'est un mauvais comportement le fait de dire à un homme de science, mais tel il dit ceci. Hein? C'est très mauvais. C'est pas un comportement à avoir, c'est pas un comportement digne de quelqu'un qui cherche et quelqu'un qui veut être demandeur de science. فمن الآداب التي ينبغي مراعاتها أيضا في السؤال ألا تذكر للعالم قول غيره. هذا c'est un comportement qu'il faut avoir et qu'il faut acquérir. C'est que jamais tu cites, quand tu as posé une question à un homme de science, tu lui cites la parole divergente d'un autre homme de science sur la situation. بعض الناس يسأل أهل العلم بالهاتف والهاتف الآن قرب وأكثر من إشكالات الأسئلة. يسأل واحد وبعده يسأل الثاني وبعده يسأل الثالث وبعده الرابع، فهو يضطرب في المسألة، ثم بعد ذلك يذهب إلى شيء غير جيد وأنه يذهب إلى أسهل تلك الأقوال. Maintenant, certaines personnes, maintenant, avec la communication qui est facile maintenant, le téléphone et autres, ont rapproché. Le lointain, ils l'ont rapproché. C'est très proche. Donc, il prend son combiné de téléphone, il appelle. Et il demande à cet homme de science. Après, il demande le deuxième, le troisième, etc. Et quand il a entendu quatre solutions différentes, il est perturbé. Il ne sait plus quoi faire. Il est perturbé et il tombe dans une situation qui n'est pas louable. Et des fois, il va faire la chose la plus facile. Il va choisir la parole la plus facile. Peut-être que cette parole la plus facile, elle correspond au dalil. Peut-être qu'il ne correspond pas au dalil non plus. Ça peut que la parole facile ou la solution facile donnée par le homme de science, va de pair avec le délil, avec la preuve. Mais ça peut qu'il soit complètement l'opposé. Hein? Ceci ne sied pas à un musulman, et encore moins à quelqu'un qui veut être demandeur de science d'agir ainsi. فإنه الذي ينبغي في السؤال أن تبحث عن من تثق بعلمه ودينه في ذلك كما قال أهل العلم ينبغي للمستفتي أن يسأل من يثق بعلمه ودينه فإذا وثقت بعلم فلان ودينه فإنك تسأله ولا تسأل غيره لأنك إذا سألت غيره فإنه قد يكون عنده من الجواب غير ما يكون عند الأول فتقع أنت في حيرة Ce qui est aussi et ce qui est obligatoire pour nous, et comment il faut être au moment où on pose la question, c'est qu'on cherche quelqu'un on a confiance dans sa religion. Comment le trouver? C'est celui que disaient les hommes de science, comme quoi c'est un homme de science. Hein? Pas ce que te disait la télé, pas ce que disait le commun des musulmans. Là, celui vers lequel sont orientés les regards des hommes de science, et qu'ils considèrent et... Ses livres sont connus, ses fatwas sont connus, il a une réputation dans la communauté. Laisse tomber la réputation de la télé et ceux, les savants des médias, etc. Loin de là. Hein. Les dignes du nom de la communauté ne sont pas médiatiques. Hein. T'as déjà vu, toi, Cheikh Abdel Mohsin Labbad, sur la télé hein. T'as déjà vu Cheikh Ubaid, Hafidhallahu Ta'ala, ou autres parmi les hommes de science. Certes, il y a des hommes de science qui sont dignes du nom, qui apparaissent de temps en temps sur la télé. Parce que ceux qui sont derrière les télés sont très malins. Et derrière les télés, il y a un système, il faut arriver à un but. Mais tu ne peux pas arriver à ce but. Hein, parce que toutes les télés sont entre les mains des Ikhwan. Hein. Et donc, ils savent que s'ils ne font pas apparaître un nom de science d'une du nom, comme Cheikh Fawzan, ou comme le Mufti, ou comme Cheikh Al-Haydan, il y a quelque chose, leur réputation ne va pas se faire. Et la pilule qu'ils veulent, qu'ils sont en train de faire passer dans la communauté, et l'égarement et le fait que les gens doivent, ils drainent la communauté pour suivre un courant bien précis, qui est le courant d'Al-Ikhwan, qui est le courant de l'islam politique, etc. Donc, mais ils ne peuvent pas y arriver s'ils ne font pas de temps en temps un flash avec les hommes de science dignes du nom. Donc, c'est des malins. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il ne va pas apprendre ta religion chez les hommes de science médiatisés. Hein? Sauf ceux qui sont dignes du nom, comme Cheikh Al-Fawzan, Abdallah Ta'ala, ou le Mufti, ou Cheikh Salah Al-Sheikh, ou Cheikh Al-Haydan, qui eux, des fois, on les fait apparaître. Hein? Mais c'est parce que ceux qui sont derrière les télés, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont une stratégie, ils veulent arriver à un but bien précis, ils veulent orienter la communauté vers un but bien précis. Tu vois les médias en Europe, qu'est-ce qu'ils font? Ils forment l'homme de la rue. Ben eux, ils sont sur le même modèle. Ils veulent former le commun du musulman sur un certain islam et sur une certaine idéologie islamique. Hein? Donc il faut faire très attention à ça. Donc, l'homme de science dans lequel tu as confiance, c'est celui qui est les hommes de science dignes du nom, le pointe du doigt. Comme quoi, c'est un homme de science. Regarde, Cheikh Ibn Baz, que disent les grands hommes de science de Dieu? Regarde Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, Cheikh Al-Utaymin, Cheikh Al-Fawzan, et les grands, Cheikh Abdel Mohsin Labbad, etc. Que disent les hommes de science d'eux? Hein? Donc cela, vers cela tu y vas. Et le commun du musulman, tu dois l'orienter vers ces gens-là. Voilà, comment, tu n'as pas laissé un commun dans ta famille à s'orienter lui vers ce qu'il veut. Il dit, moi j'ai demandé un homme de science. Là, tu essayes, par n'importe quel moyen et par la voie la plus sage, de l'orienter vers l'homme de science digne du nom. Mais quand tu auras trouvé l'homme de science digne du nom, ben, tu lui poses ta question. Et ton devoir, c'est de poser la question et de chercher la solution à ton problème. Si ce mouf, tu lui poses des questions. Et donc, et la réponse qu'il t'a donnée, tu dois t'en satisfaire. Hein? Parce que sans ça, si tu n'es pas satisfait de cette question, tu vas poser une question à un autre et à quelqu'un, tu vas tomber dans un problème, tu vas être dans une hésitation, tu ne sais plus ce que tu fais. Tu vas être perturbé. Comme tu n'as pas de repères, tu n'as pas de règles sur lesquelles, des fondements sur lesquels te baser, ben tu vas être perturbé. Tu ne sais plus où tu vas. Tu ne sais plus où donner de la tête. Hein? Et tu entends beaucoup certains, mais je ne sais plus, lui il me dit ça, lui il dit ça, lui il dit. Mais pourquoi tu es rentré dans ce dilemme, toi? Tu ne sais pas faire la part des choses dans les situations. Contente-toi d'un seul homme de science digne du nom et c'est, tu auras rempli ta responsabilité. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné, tu l'as fait, ça y est. Hein? Tu n'as plus à te soucier de quoi que ce soit. وفي حال لك أن تسأل غير ما سألت أولا وذلك إذا كان جوابه مشكل من جهة الدليل. Il y a une seule situation dans laquelle tu peux demander à quelqu'un d'autre. Quand tu as des problèmes, une problématique avec la preuve que tu as cité, cher, tu n'arrives pas à la comprendre. Tu n'arrives pas à saisir le cas de figure, pourquoi il a mis cette preuve sur ce cas précis. Comment il a utilisé cette preuve. Là, et si tu es quelqu'un qui sait regarder sur les preuves et qui sait comprendre, dans ces cas-là, tu as cette problématique au niveau de la preuve, à ce moment-là, tu demandes à quelqu'un d'autre. Il a qu'un عند المرء معرفة ببعض الأدلة ونحو ذلك فأشكل عليه الجواب من جهة الدليل فإنه له أن يسأل غيره. Donc, quand maintenant le musulman, il a une connaissance de certaines preuves, hein, et quand le mufti ou l'homme de science à qui il a demandé, il lui a donné des preuves, et il a eu un problème vis-à-vis de la preuve, non pas vis-à-vis de la question, vis-à-vis de la preuve que l'homme de science a utilisée, dans ces cas-là, il peut s'orienter vers quelqu'un d'autre pour sortir de ce dilemme qui a rapport avec la preuve et non pas avec la réponse du shir. L'annahu ma uqni'a bil jawab la min jihati adam munasabati li halih ou min jihati sa'ubati al jawab ou annahu la yunasib أو يريد أن يبحث عن من يخفف له لا ولكن من جهة أنه استشكل هل هذا حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في المسألة أم لا. Il agit ainsi pourquoi? Parce que son problème n'est pas, il est un problème où il n'a pas compris lui la preuve et il doute est-ce que cette sentence correspond à la parole d'Allah et à l'authentique de la sunna du prophète. Il cherche pas quelqu'un pour lui alléger la situation ou pour lui donner une facilité, une autorisation, non. Mais il cherche à avoir une compréhension et à comprendre mieux la preuve qu'a utilisée l'homme de science. C'est pour ça qu'il a le droit, dans ces cas-là, de poser la question à un autre homme de science. Pourquoi ? Pourquoi il agit ainsi ? Parce qu'il a compris de certaines preuves le contraire du verdict qu'il lui a donné l'homme de science. Et donc son problème n'est pas dans la réponse d'El-Sheikh, son problème il est dans l'utilisation de la preuve, c'est là où il est sa problématique. Et quand c'est ainsi, tu peux demander à un autre homme de science. فإذن من الآداب ألا تسأل أكثر من عالم في المسألة لأن كثرة هذه الأسئلة أولا تضيق به وقت العلماء. ثانيا أنه يوقع ذلك السائل في إشكالات وكثير من الذين سألوا يقولون احترنا ما ندري هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. Donc fait partie du comportement que tu ne poses pas ton sujet, tu ne l'exposes pas à plus d'un homme de science. Hein? Parce que ceci, d'une part, tu utilises le temps de l'homme de science alors que tu téléphones à celui-là, le temps qu'il a pris celui-là avec toi, ben, il t'a déjà répondu. Si tu prends le deuxième, tu as pris aussi le temps du deuxième et le temps du troisième homme de science, etc. Donc tu as spolié le droit de quelqu'un d'autre qui aurait pu poser la question à ce moment-là et profiter, ou peut-être que l'homme de science aurait pu faire quelque chose de ce temps-là que tu lui as pris. Ça d'une part. D'autre part, parce que ceci amène celui qui pose la question à tomber dans des ambiguïtés et à tomber dans une problématique et à ne plus être tranquille dans son esprit. Il ne sait plus. Il dit, tu les as entendus, je ne sais plus quoi faire. Lui, il me dit ça, lui, il me dit ça, lui, il dit ça, etc. Mais qui est le fautif dans tout ça? C'est toi. C'est toi qui es l'origine de cette situation. Ce n'est pas l'homme de science, c'est toi. Parce que tu n'as pas utilisé le comportement adéquat que tu dois avoir vis-à-vis des hommes de science. Il dit le cheikh, Hafidhahullah, Anta alladhi akhta'ta awwalan, haythu sa'alta akthar min 'alim. Sal man tathiqu bi 'ilmihi wa dinihi wa khudh bi fatwa wa tabra'u amam Allah 'azza wa jalla. لأن الله عز وجل أمرك بأن تسأل أهل الذكر وقد امتثلت أمر الله سبحانه وتعالى بسؤالك أهل الذكر فلا تزيد على نفسك حملا وتقلا. Et Cheikh il dit, c'est toi qui es tombé dans l'erreur, c'est toi qui t'es mis dans cette situation où tu t'es perturbé l'esprit parce que tu as posé la question à plus d'un homme de science. Demande tout simplement à l'homme de science dont tu as confiance dans sa religion et dans sa science, et prends son verdict et tu auras rempli ta responsabilité. Allah, il ne te posera plus de questions sur quoi que ce soit. Tu as rempli ton devoir, tu t'en es acquitté. Parce que tu as mis en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Allah, il t'a ordonné de poser des questions aux hommes de science, tu l'as posé. Hein? C'est tout. Et tu as fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a ordonné. Donc, ne t'alourdis pas la tâche. Hein? Ne te rajoute pas la tâche. Hein? Ne va pas te poser à celui-là, etc. Parce qu'après tu vas te perturber, après tu sais ou plus. C'est toi qui te rends la situation difficile. Hein? كذلك من الآداب أن تطرح السؤال بدون الغاز ولا حياء في الاستفتاء في الدين. Quand tu poses ta question, il ne faut pas qu'il soit énigmatique. Il faut qu'il soit clair. Pas d'énigme dans les questions. Et aussi, il n'y a pas de fausse pudeur dans la religion. Hein? Fait partie du comportement que tu ne poses pas des questions qui ne sont pas claires, qui sont énigmatiques. Hein? Il faut que tu poses des questions claires. Pour que la réponse soit claire. هناك من يسأل مثلا ويقول فلان من الناس حصل له كذا وكذا وهو يريد أن يخرج عن مسألته بخصوصه إلى مسألة مشابهة وهو يظن أن هذا السائل يظن أنه إن أجيب على تلك المسألة فهي مثل مسألته. الشيخ de nous donner un exemple sur certaines personnes, ils ont un problème eux. Mais il pose la question pas directement ça les concernant en posant la question. Il pose la question comme si et eux ils ne sont pas concernés, c'est quelqu'un d'autre. Ils disent telle personne a eu ceci, a eu cela. Et lui il essaye de calquer, de fabriquer cette histoire pour la calquer selon que c'est à quelqu'un qui est arrivé. Et il essaye, il est arrivé à tel, etc. pour faire l'analogie après sur son problème. Hein? Et il croit que quand le verdict sera donné, ben il va correspondre à son problème. Hein? Il ne pose pas son problème réellement, il pose un problème similaire. Parce qu'il a honte de dire que c'est à lui que c'est arrivé, etc. Et de se l'attribuer au monde, j'ai eu ceci, etc., etc. Donc il pose un problème similaire. Et il croit qu'en agissant ainsi, ben, le verdict qu'il va y avoir va correspondre à son problème. Enfin, فيقول مثلا فلان لو حصل عليه كذا أو كذا ومسألته في الواقع تختلف عن ذلك. Il dit telle personne lui est arrivée ceci et cela, alors que lui son problème il est complètement différent. ولكنه يظن أن هذه وتلك سواء. Mais lui il croit que cette situation et celle-ci sont identiques. فحتى لا يظن العالم أنه هو الذي وقع في المسألة وهو الذي يحتاج إلى شواب فإنه يعمم. Et pour que l'homme de science, quand il est en face de lui, il est au bout de téléphone avec lui, pour qu'il croit que ce n'est pas à lui que s'est arrivé l'histoire, et lui, il l'a fait, il donne l'histoire dans un sens général. Hein? Il lui donne un aspect général. Hein? Et donc, agissons ainsi. Des fois, qu'est-ce qui les pousse à agir ainsi? La fausse pudeur. Enfin, parce que ça a rapport peut-être avec les rapports avec sa femme, ça a rapport avec des situations, les parties intimes, etc. Et donc ça pousse à aller vers là et à rendre flou un petit peu la situation. Et ceci n'est pas bon, parce que ça induit en erreur. La réponse qui va en découler va être faussée. Hein? Il n'y a pas de gêne à avoir dans le fait de poser une question à un homme de science. Bel huwa sharaf. C'est un honneur de poser la question à l'homme de science. وَيَدُلُّ عَلَى حِرْصِ السَّائِلِ عَلَى الْخَيْرِ وَرَغْبَتِهِ فِي إِبْرَاءِ ذِمَّتِهِ. Et quand la personne pose bien la question, cela prouve que la personne veut s'acquitter de sa responsabilité, veut remplir son devoir. وَأَنْ يَكُونَ مُتَخَفِّفًا مِنَ التَّبِعَةِ. Aïe, il veut s'acquitter de son devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut s'acquitter de son devoir et être innocent au moment où il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu poses فَحِينَ تَسْأَلْ لَا تَسْأَلْ أَهْلَ الْعِلْمِ بِالْأَلْغَازِ وَضِّحْ كَلَامَكَ وَضِّحْ الْمَسْأَلَةِ. Quand tu poses la question, va pas par une voie énigmatique. Il ne va pas prendre pas d'autre chemin. Va directement, il soit clair dans la question. سَلْ عَمَّا وَقَعَ بِوَضُوحُ وَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ. Tu te poses la question comme il est, clairement. Il n'y a pas à prendre des tours ni des énigmes, etc. L'homme de science, il n'est pas entre les lignes. L'homme de science, il ne sait pas ce qui se passe dans ton cœur. Hein? Ce n'est pas le shirk d'Al Sophia, au moment duquel il te dit, ah, fais attention à ce que tu penses là, il est dans ton cœur. Là, l'homme de science, il n'est pas l'invisible, il n'est pas dans les cœurs. Lui, il va se faire une image de la situation, comment il va avoir une image. par rapport aux détails que tu lui donnes. Maintenant, si tu lui fausses, ben, c'est toi qui es en train de fausser la réponse. Donc tu en prends la responsabilité. Et lui, il est responsable en rien dans tout ça. Après, les erreurs qui vont décoller, etc., et quand tu vas te rendre compte, c'est toi le responsable. Et non pas l'homme de science. Parce que l'homme de science, tu lui as brossé un tableau. Et il a vu cette situation, il s'est imaginé selon ce que tu lui as dit, et il t'a donné le verdict par rapport à ce que tu lui as dit. Si toi, tu n'as pas été clair, si toi, tu as pris des tournures, etc., ben c'est toi le responsable et non pas l'homme de science. L'homme de science, il est pour rien là-dedans. Hein? فقد سألت بعض الصحابية النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة إذا رأت الماء أي إذا احتلمت ما حكمها حتى أنه جاء في رواية عند الإمام مسلم من حديث أنس أن عائشة قالت يا أم سلمة فضحكت النساء ففضحت النساء تربت يمينك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بل أنت تربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك donc regarde les compagnons, les femmes des compagnons, رضوان الله عليهم, la pudeur ne les a pas empêchés de poser des questions sur leur religion. Femme, Umm Sulaym a demandé au prophète Hassan, quand la femme se réveille, il trouve de l'eau dans ses vêtements intérieurs. Hein? C'est quoi son hukm? Rasulullah lui dit, il faut qu'il fasse son ghusl de janaba. Parce que ça arrive aux femmes aussi de faire des rêves érotiques. Hein? Et Aïcha qui était là, il était gêné. Il a dit, tu as dévoilé les situations des femmes. Tu as dévoilé les situations des femmes, etc. Et il a utilisé un terme. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a Umm Sulaym, que la femme se lave. Quand il voit ça, quand il voit que ses vêtements intérieurs sont mouillés, qu'il se lave, qu'il fasse son ghusl. Et Umm al-Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, كانت تقول نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. Et Aïcha disait, béni soient les femmes, dit l'Ansar, la pudeur ne les a pas, c'est-à-dire la fausse pudeur, parce qu'il faut avoir de la pudeur. Mais il y a des endroits où la pudeur n'a pas eu lieu, c'est une fausse pudeur en réalité. La pudeur ne les a pas empêchés du fait d'apprendre leur religion. Hein? Et en général, il n'y a pas de fausse pudeur dans les questions que tu poses aux hommes de science. La pudeur, il est loué. Et il est demandé, il fait partie de la foi. Il haya'u min al-iman. C'est une du shu'ab de l'iman. Mais il n'y a pas de pudeur dans le fait de poser des questions aux hommes de science. ولكن فيما إذا كان الحياء يبعدك عن معرفة حكم الدين فإن ذلك غير محمود كما جاء في الحديث. Mais maintenant, si la pudeur va t'éloigner du fait d'apprendre ta religion et les sentences de ta religion et les jugements de ta religion, ben, il n'est plus loué dans ces cas-là. Il est blâmé. فمن الآداب إذن التي يجب أن نراعيها أن تسأل السؤال الذي تحتاجه وأن لا تظن أنك إذا ألغزت بالسؤال وأجاب أن الجواب مطابق على مسألتك. Parmi les comportements qu'il faut avoir pendant la question, et quand tu poses la question sur les situations dont tu as besoin, mais ne crois pas qu'en posant la question d'une façon énigmatique, que la réponse qui va en découler va correspondre à ta situation. Peut-être qu'il correspondra, ça va être complètement le contraire. Donc tu en prends la responsabilité. أو الحادثة التي تريد أن تسأل عنها بوضوح يكون الجواب مختلفا تماما فلا تكون ملغزا في سؤال العلم. الله عز وجل si maintenant au lieu de poser ta question d'une voix énigmatique tu la poses clairement, peut-être que la question, que la réponse va être complètement différente de ce que tu as dit, hein, en utilisant une voix énigmatique. Quand tu poses tes questions aux hommes de science, ne prends pas une voix énigmatique. Prends la clarté. Hein? Bref, dans les expressions, est très clair et directement. Et que dans la phrase, ou dans le texte que tu as récité à Cher, ou la question que tu lui lis, que ce soit clair et qu'il n'y a pas d'énigme dedans. Hein? Hada في مسألة فقهية أو عندما تسأل عن أحوال أشخاص أو عندما تسأل عن أحوال هذا، بل ينبغي دائما أن يكون السؤال واضحا، وهذا من توقير أهل العلم ومن السعي إلى الوصول إلى الجواب الصحيح. Ça, tu dois agir ainsi, que ce soit concernant les questions qui correspondent, hein, qui ont rapport avec le fiqh, avec la jurisprudence, ou quand tu poses des questions sur des hommes, ou là sur des situations, n'importe où, tes questions ils doivent être claires. Donc tes questions ils doivent être claires, et ça fait partie du respect que nous devons aux hommes de science. Hein, et ça fait partie du fait que nous voulons arriver à une... Ça montre que nous voulons arriver à une quoi ? À une réponse authentique. Il y a une réponse qui correspond à la situation. Amma an nu'ammi 'ala ahli al-'ilm hatta nahsula minhum 'ala jawab fa inna hadha la yuwafiquhu ma yanbaghi min tawqir ahli al-'ilm. Quant au fait de déguiser la question ou là de jouer avec les mots, etc., et de faire que la question soit énigmatique, cela ne correspond pas au respect que nous devons vis-à-vis des hommes de science. Wa idan la tabra'u bihi ant. لأنه أوقعت العالم في الجواب لو عرف ولو عرف السؤال على حقيقته ومرادك منه لربما أجاب بجواب آخر فأنت لا تبرأ ذمتك. Et aussi agissant ainsi, tu n'as pas rempli ta responsabilité. Tu ne t'es pas acquitté de ton devoir. Parce que c'est toi qui as induit l'homme de science à te donner cette réponse. Donc tu en prends la responsabilité. Et si l'homme de science savait la réalité de la question et de la situation, peut-être que sa question, sa réponse serait différente. Et dans ces cas-là, tu n'as pas rempli ta responsabilité. Tu ne t'es pas acquitté de ton devoir. Et tu dois en répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li hadha yaqul al-shaykh, nara anna katiran min al-ishkalat allati hasalat fi tadarub aqwal ba'd ahli al-'ilm fi ba'd al-masa'il imma al-fiqhiyya aw al-masa'il al-waqi'a أو الاجتماعية ونحو ذلك إنما جاء من جهة من يسأل بسؤال ملغز معمى أو يقول مراد وراءه وليس في ظاهره وهذا لا ينبغي لأن الله عز وجل أمرنا بأمر واضح فتعدى هذا الإنسان هذا الأمر تعدى لما لا ينبغي من الأدب في السؤال بصائد دي حفظه الله تعالى ويمكن beaucoup de problèmes qui existent maintenant dans le fait qu'il y a une certaine contradiction dans les paroles d'hommes de science, dans certains sujets, que ce soit au niveau de la jurisprudence, ou au niveau des événements qui touchent à la communauté, ou au niveau des événements sociaux, etc. Leur origine, cette contradiction, il arrive de quoi ? Parce que ceux qui ont posé la question n'étaient pas clairs dans leur question. Parce qu'ils ont pris des voies énigmatiques dans leur question, et ils ont déguisé les questions. Et peut-être que ce qu'ils ont voulu, il est caché. Il n'est pas apparent dans la question. Et ceci, il ne sied pas un musulman, il ne sied pas un demandeur de science d'agir ainsi. Car Allah Azza wa Jal nous a donné un ordre clair, qui est le fait de demander aux hommes de science. Et nous, on a dépassé ces limites dans ces cas-là, on n'a pas demandé comme il se doit. On n'a pas été clair dans notre demande, donc c'est nous les fautifs. Et donc on a transgressé ce comportement que nous devions avoir vis-à-vis de l'homme de science quand on pose la question. كذلك من الآداب التي يجب أن ترى السؤال عن النفس لا عن الغير. Et parmi le comportement qu'il faut avoir, c'est que tu poses la question te concernant, et non pas pour quelqu'un d'autre. من الآداب التي ينبغي مراعاتها في السؤال أن يكون السائل يسأل لنفسه ولا يسأل لغيره. Parmi le comportement qu'il faut avoir, c'est qu'il faut poser la question pour toi-même, et non pas pour les autres. يأتي كثير من الأسئلة يكون فيها سائل يقول أحد القارب أوصاني يسأل عن كذا وكذا. الشيخ يقول beaucoup de questions nous arrivent et on dit celui qui pose la question il dit un de mes proches m'a posé cette question il m'a demandé de demander ceci et cela. أو يقول لو حصل لفلان صديق لي في العمل حصل معه كذا وكذا وأوصاني أن أسأل. Où il pose la question, un de mes camarades du travail ou un de mes collègues de travail lui est arrivé ceci ou cela et il m'a demandé de vous poser la question. Pourquoi lui il ne pose pas la question? Pourquoi lui il ne pose pas la question? يختلف الحال لأن المفتي أو العالم لا بد أن يستفسر. Parce que l'homme de science devant lequel tu es ou avec lequel tu es au téléphone, il va te demander des détails. Ce mufti ou cet homme de science va te demander des détails. Là où Daniel Salam al-Ladi Hassan, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des situations, tu les exposes à l'homme de science, il demande du détail pour savoir comment c'est arrivé, etc. Al-Hasalakada, est-ce que si ceci est arrivé, cela est arrivé? فإذا كان السائل غير من حصلت له المسألة فإنه لا يمكن أن يعين العالم في الجواب إلا فيما كان السؤال مختصرا وكان المانع من سؤال السائل هيبة العالم والاستحياء. Donc, et quand l'homme de science va lui poser des détails, bah celui qui n'est pas concerné, qui pose la question pour quelqu'un d'autre, il ne pourra pas donner les détails dont a besoin l'homme de science pour émettre son verdict. Sauf si maintenant la question elle est brève et elle est très claire et que celui qui est concerné a un respect, il n'arrive pas à poser la question à l'homme de science, donc ces cas-là, il n'y a pas de problème. Il faut que ça soit clair et bref. Ou maintenant, dans la situation de notre jeunesse en Europe, etc., trouve lui, il sait, il connaît pas l'arabe, etc. Il trouve quelqu'un qui est arabophone, qui traduit. Hein, lui, il lui dit que lui, il traduit comme il se doit la question. Il prend tous les détails, etc. Et à ce moment-là, dans ces cas-là, il est permis dans ces cas-là. Mais quand toi, tu es capable de le faire toi-même, tu le fais toi-même. Hein? Et tu donnes les détails. Regarde combien de fois, même maintenant, les frères francophones qui posent les questions à Cheikh Chalabi. Chalabi a besoin des fois de détails. Hein? Bah comme hein, c'est pas là, il faut encore attendre pour qu'on demande à la personne qui a posé la question de donner les détails, etc. Parce qu'il ne peut pas. La réponse découle des détails qu'il faut. Il y a des détails qui sont très importants pour pouvoir avoir un verdict. Hein? Donc c'est pour ça, même quand tu délègues quelqu'un, il faut que tu lui donnes les détails. Il faut des détails. Tu as peut-être que ce détail-là, il n'est pas important pour toi, mais peut-être que là, l'homme de science, il a besoin de ce détail pour savoir hein, et pour pouvoir émettre son verdict. فهذا صحابي رضي الله تعالى عنه وارضاه يضرب لنا المثال في انه يجوز ان توكل احدا في السؤال. علي رضي الله تعالى عنه كان رجلا مداء، لكن كان يستحي من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يساله عن المدي، ها، لانه كان زوج ابنته فاطمه رضي الله عنه اجمعين. فلمكانه ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده خشي ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاب أن يسأل واستحيا علي رضي الله عنه وارضاه أن يسأل مثل هذا السؤال الذي له تعلق بالزوجة. فأوصى المقداد رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة وهي كثرة المدي، فسأله فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقل الجواب إلى علي رضي الله عنه وارضاه. Donc voici, nous avons une preuve pour déléguer notre question à quelqu'un d'autre. Ali radhiyallahu anhu était marié avec Fatima radhiyallahu ta'ala ajma'in. Et Fatima, comme vous le savez, c'est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il avait un problème, c'est que un liquide sortait complètement tout le temps, le Madi. Hein? Il ne savait pas quoi en faire, il lui a fallu une verdict. Mais comme il était le mari de Fatima radhiyallahu anhu ajma'in, ben, il n'a pas osé, la pudeur l'a empêché de poser cette question au père de Fatima, qui est le prophète alayhi salatu wasalam. Donc il a délégué quelqu'un par le respect qu'il a du prophète alayhi salatu wasalam, et parce que ça concerne les parties intimes, etc. Donc il a préféré déléguer quelqu'un par pudeur, louable dans ces cas-là, hein, il a délégué quelqu'un pour, et il a eu la réponse par le miqdad. Tout simplement, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui envoie le verdict comme quoi il lave ses parties intimes et il refait son odeur et puis c'est tout. Hein? Donc dans ces cas-là, ça se peut que toi, tu as quelqu'un dans la famille qui est ainsi et tu as un respect, ou là il est proche de ta famille, etc. Et il a la réponse au problème et ça a un rapport avec les parties intimes. Donc au lieu que tu ailles toi directement, tu lui poses la question, bah, tu passes par quelqu'un d'autre. Ça, ce sont des situations dans lesquelles on peut, quand il y a le respect et le fait de respecter le respect de l'homme de science à qui on demande la question. Et là, on a un aïeul qui est Ali radhiyallahu anhu et la position qu'il a eue pour poser la question sur ce liquide prostatique hier. C'est un liquide prostatique, on l'appelle. Donc, il a délégué quelqu'un d'autre. L'origine et la base, c'est que tu ne poses des questions que ce qui te concerne. لأن الجواب يختلف بحسب السائل وبحسب عرض السؤال. Car la réponse va être différente selon comment la question est posée et selon comment les détails qui seront demandés. Et celui qui transmet des voix ne transmet pas l'image telle qu'il est. Des fois, il ne transmet pas. Il omet des trucs. Il utilise d'autres expressions qui peut-être vont fausser la réponse, etc. Et beaucoup de fois, arrive que les questions ne sont pas très minutieuses. Elles ne sont pas bonnes. Pourquoi ? Elles ne correspondent pas à la situation. Parce que celui qui a exposé la question, il ne l'a pas bien exposée. Il ne l'a pas bien détaillé comme il se doit. Donc ceci est très important. كذلك من الآداب التي يجب أن تراعى مع أهل العلم وع أهل الفتوى ألا نسجل جوابهم ولا نكتبهم إلا بإذنهم. Le comportement qu'il faut respecter, c'est que jamais on enregistre le verdict de l'homme de science, ni on l'écrit sans son autorisation. Et ça, c'est quelque chose en Europe auquel on a failli beaucoup, ce qui a fait que ça a créé beaucoup de problèmes dans le milieu des hommes de science. Le fait de ne pas avoir demandé l'autorisation au mufti ou là à l'homme de science quand on lui pose la question, et de lui avoir demandé qu'on l'enregistre ou là qu'on écrive ce qu'il a, et de le propager. من الآداب المرعية في السائل أنه إذا سأل العلم في الهاتف أو في غير الهاتف فلا يسجل جواب مكتوبا أو على جهاز التسجيل إلا بإذن العالم. Il est des comportements qu'il faut avoir quand on pose la question aux hommes de science, que ce soit au téléphone, ou là que ce soit en face, tu es en face de lui, tu ne l'enregistres pas, tant et tu ne l'écris pas, tant que tu ne lui as pas demandé l'autorisation. Et une fois qu'il te donne de l'autorisation, tu agis ainsi. S'il ne te donne pas l'autorisation, tu n'as pas demandé l'autorisation, tu ne le fais pas. Ça ne fait pas partie du comportement que nous devons avoir vis-à-vis des hommes de science. Le comportement digne que nous devons avoir vis-à-vis de l'homme de science, c'est de prendre son autorisation. وقد مر يقول الشيخ وقد مر عليه بعض الإخوة مرة أن سجل لحد أهل العلم جوابا ليس كما ينبغي وهذا راجع إلى أن العالم يجيب على قدر الاستفتاء ولو استحضر العالم أن هذا يسجل وأن الجواب سيسمعه آخرون لكان جوابه غير الجواب الأول. Il dit, الشيخ il dit, il nous donne des situations ici. Il dit, là j'ai écouté un enregistrement qu'on a fait à un homme de science. Et là, la réponse n'était pas comme il se doit, c'est-à-dire dans les détails, etc. Et ceci revient à quoi ? Revient que l'homme de science répond, donne sa fatwa, selon la situation. Et si l'homme de science savait qu'il était enregistré et que beaucoup d'autres vont l'écouter, son verdict aurait changé, ses détails, et ses détails vont changer complètement. Mais lui, il est en face de lui, là où il est au téléphone, il connaît cette personne-là, il sait que cette personne, il est proche de lui, il lui pose une question, et l'homme de science, il lui répond très vite, comme ça. Parce qu'il sait que lui, il n'enregistre pas. S'il sait qu'il allait enregistrer, qu'il allait le faire, et que si ça le concerne que lui, c'est lui qui va l'écouter. Donc il lui a donné cette question pour que il ait tout de suite une solution à son problème. Et donc, il n'a pas pris en considération que cette question va être écoutée par d'autres. S'il allait être écouté par d'autres, il va la détailler. Voir s'il n'y a pas des choses qui vont être incluses dedans, etc. Donc, c'est pour ça qu'il est obligatoire pour nous, pour être digne d'un comportement vis-à-vis des hommes de science, qu'on leur demande l'autorisation. فمن عدم توقير أهل العلم وعدم رعاية حقهم بل من الافتتاء على حقهم أن تسجل جواب أهل العلم بالهاتف أو كتابته ثم تنشره دون إذنه لأنه هو الذي له الحق في أن تنشر فتواه على الملأ أو لا تنشر أو لا تسجل. Donc, fait partie du mauvais comportement que nous avons vis-à-vis des hommes de science et du non-respect des droits des hommes de science, c'est le fait de les enregistrer, ou d'écrire leur verdict sans leur demander leur autorisation. Parce que c'est lui qui a le droit de donner l'autorisation ou pas de propager son verdict, de ne pas le propager. C'est son droit à lui. Donc tu dois lui demander, tu ne lui prends pas son droit. Ça ne fait pas partie du comportement. Donc on demande. C'est pour ça que maintenant tu vois dans c'est dit le Cheikh Obeid Hafdallah Ta'ala, il a marqué, on n'écrit plus rien, on ne propage plus rien, on ne dit plus rien sans l'autorisation de Cheikh, parce que des fois il y a des gens, ils font n'importe quoi. Ils imputent des paragraphes ou des phrases de ce qui va sortir la parole de l'homme de science de son contexte. Et ce qui va fausser un peu hein, les verdicts et les paroles des hommes de science. Hein. Et ceci n'est pas digne. On ne doit pas le faire vis-à-vis d'un commun. Qu'est-ce qu'il en est de l'élite de la communauté qui sont les héritiers du prophète alayhi salatu wassalam ? فسائلو سأل فيما يخصه فهل أدنى العالم لك أن تسجل السؤال والجواب بالهاتف لم يأذن فإذا أردت أن تسجل فتستأذنه في البداية وتقول أحسن الله إليك أنا محتاج للجواب مسجلا على الشريط والآن أريد أن أسجله فإذا أذن تكون أنت قد أتيت بما ينبغي من الأدب ولم تكن ممن لا يوقرون أهل العلم ويجعلون الأمر غير واضح لهم فيستغل بعض الفرص فيسجل عليهم ما لا يرغبون في تسجيله. الله عز وجل donc celui qui pose la question doit poser des questions sur ce qui le concerne. Et en ce qui le concerne, il doit demander à l'homme de science est-ce qu'il peut enregistrer sa réponse ou pas. Que ce soit par le téléphone, etc. Il lui demande est-ce qu'il peut l'enregistrer ou pas. S'il ne lui donne pas l'autorisation, il ne le fait pas. Et dès le début, pas une fois que tu as commencé à enregistrer, tu le dis que je peux enregistrer. Avant que tu commences, tu lui poses la question du HR, est-ce que je peux enregistrer ? Et s'il te donne l'autorisation, tu enregistres, s'il ne te donne pas l'autorisation, tu n'enregistres pas. Et tu utilises le comportement de la demande. Les formules adéquates pour demander à l'homme de science, etc., son autorisation. Enfin, si tu agis ainsi, tu as été digne du comportement que nous devons avoir vis-à-vis de l'homme de science. Et tu n'as pas été parmi ceux qui ne respectent pas les hommes de science et qui font que la situation n'est pas claire pour l'homme de science. Parce que pour que la situation soit claire à l'homme de science, il faut que tu lui déclares que tu vas l'enregistrer. Et ne pas profiter de l'occasion pour enregistrer ce que le cheikh ne veut pas que tu enregistres. Comme un... Je ne sais plus s'il est jordanien ou il est égyptien. Et Cheikh Al-Albani, rahmahullah, il est mort, il n'est pas content de ce qu'il a fait. Il a fait un gros volume comme ça sur le fatawa de Cheikh Al-Albani, rahmatullah, qui a apparu avant la mort d'El Cheikh. Et Cheikh, il n'est pas content. Parce que quand il avait dit des expressions, il n'a même pas soumis à Cheikh de le voir. Des expressions en dialecte syrien, en dialecte, etc. Et plein de trucs que Cher n'aime pas qu'ils soient proposés. C'était des trucs parce que le fait de parler, le fait d'écrire, c'est pas la même chose. Ce n'est pas le même style. Ce n'est pas l'écriture demande un truc plus. Plus de les hommes de science sont plus pointilleux, etc. Dans la recherche des expressions. Quant aux paroles, etc. Quant au fait de répondre aux questions, ben il va. Il utilise le langage très facile, etc. Et des fois, des expressions que si tu lui dis, tu as utilisé des expressions, il dit, je ne sais pas. Donc, et Cheikh, il est mort. Et durant sa vie, il n'était pas content de ses livres. Donc, celui-là n'a pas été digne du respect de Hada. La même chose, beaucoup de choses qui se font maintenant. On vide sans l'autorisation de l'autorisation de bienfaisance de Cheikh Al-Uthaymin. En Égypte, on vide les fatahs, on vide tout de Cheikh Al-Uthaymin, comme ça, à outrance. Alors qu'il y a toute une délégation, tout un bureau d'études qui s'occupe de ça avec des hommes de science qui authentifient, etc. Et qui essayent aussi de reformuler, parce que ce qu'il a dit cher, on expliquait le livre, etc. Quand il le dit en parole, ce n'est pas la même chose qu'à l'écrit. Il y a tout un bureau qui s'occupe de ça, qui sont des anciens et des grands élèves d'El Cheikh Al-Uthaymin qui s'occupent de ça. Alors que ce qui sort en Égypte, bah ils y vont, vas-y, ça autant. Et des fois, il y a des trucs qui peuvent ne pas correspondre à ce que vous voulez Cheikh, etc. Et donc, c'est un manque du respect vis-à-vis de Cheikh, rahimahullah ta'ala. لهذا مرة من المرات يقول الشيخ حصل مثل هذا ولما سئل سأل قال أبدأ ما قلت كذا وكذا على تفاصيل بل المسألة فيها تفصيل نحوما. Dit c'est pour ça il est arrivé une histoire avec un homme de science. Quand tu lui as posé la question, on l'a enregistré. Et après, on lui a dit, tu as dit ceci, etc. Il dit, non, la situation, il y a des détails dedans. Parce que quand il a répondu à celui-là, il répondait tout de suite une réponse rapide. Mais quand on lui a dit, mais tu as dit ceci, c'est là, il est enregistré, il dit, non, la situation a besoin de détails. السؤال والجواب في التسجيل واضح لما قال العالم ان المساله فيها تفصيل donc la question et la réponse dans l'enregistrement elle est claire mais pourquoi l'homme de science maintenant il a dit que la situation a besoin de détails لانه استحضر من المساله التي الان فيه اخذ ورد معنى ذلك فيه اشكال لكنه ظن حين سال السائل بالهاتف انها لا تعدو عن اهتمام السائل بنفسه parce que au moment pourquoi maintenant, quand on a présenté à l'homme de science, comme Al-Sheikh l'a fait, Salah Al-Sheikh l'a fait avec cet homme de science, quand on lui a présenté la question et la réponse qui est claire dans cet enregistrement auquel on ne lui a pas demandé l'autorisation de l'enregistrer, hein, non, il s'est présenté à l'esprit que maintenant, dans le sujet, il y a des détails et il y a aussi des problématiques dans la réponse, etc. Et donc, il faut détailler. Mais lui, quand il a répondu au téléphone à cette personne, il a cru que celui-là, ça ne le concerne que lui, qu'il allait prendre cette solution qu'il lui a donnée pour l'utiliser lui-même, et non pas pour la propager. إذن مما ينبغي من توقير أهل العلم وقد أمرنا بتوقيرهم كما جاء في الأثر عند عدد من التابعين أمرنا بتوقير أهل العلم ومن توقيرهم ألا تفتأتئ عليهم بتسجيل أو كتابة أو تنشر وتنشر إلا بعد إقراره حتى ما تسمعه من درس في درس بشرح مسائل لا بد أن تعرضها عليه فيقر أن ينشر أو يصور أو ينسخ أو يسجل إلى غير ذلك. Donc, notre devoir vis-à-vis des hommes de science, c'est de les respecter. Et il nous a été ordonné de les respecter. Ils ont plein de preuves rapportées d'une plusieurs d'Allah alayhim. Il y a le fait de respecter les hommes de science. Et fait partie du fait de les respecter de ne pas enregistrer sans leur autorisation, de ne pas écrire et propager sans leur autorisation. Même ce que tu entends dans un cours, par exemple, tu dois lui demander. Toi, tu écris tes notes, etc. Mais tu n'as pas à les propager. Si tu dois les propager ou les faire photocopier et les propager, tu dois prendre l'autorisation. Hein? Tu prends des notes pour toi, ça, c'est pas le problème. Hein? Mais le problème, il est dans le fait de faire des photocopies et de les propager. Et là, avant que tu aies l'autorisation, tu ne le fais pas. La même chose, tu assistes à un cours d'El Cheikh et tu as enregistré. Ben, avant de le propager, ben, tu lui demandes, hein, est-ce que, hein, on peut le propager ou pas. Et à lui de te donner l'autorisation ou de ne pas te la donner. C'est pour ça que maintenant, il ne laisse plus. Tu vois, tu ne peux plus poser un autrefois jusqu'à... au milieu des années 90, tu peux arriver et tu peux poser ton enregistreur tranquille. Maintenant, tu ne le poses plus. Tu ne le poses plus. Il y a quelqu'un qui s'occupe de l'enregistrement, etc. Et donc, il va enregistrer. Après, peut-être que Cheikh, il va l'écouter. Hein? Là, par exemple, l'Aqid al-Wasiti en 34 cassettes de Cheikh Salah al-Sheikh. Cheikh Abdelaziz al-Sheikh l'a passé en toutes les cassettes avant qu'il soit propagé. Hein? Donc, maintenant, les hommes de science prennent des précautions. Parce qu'il y a des gens qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'ont pas le respect des hommes de science. Ils ne cherchent que les failles. Il y a des gens, ils ne cherchent que les failles. Hein? Ils cherchent que les failles pour casser l'homme de science. Hein? Pourquoi il faut revenir à l'homme de science? Parce que ce qui est bon pour un nombre restreint d'étudiants privilégiés d'El Cheikh ou la privée d'El Cheikh n'est pas bon pour la masse. Une chose des fois, que toi tu poses un nombre de sciences en privé, etc., c'est bon pour toi tout simplement pour ta situation, et ce n'est pas bon pour la masse. Hein? Yanna al-Katiri anil umma winnas, tahtalifu tabakatum, parce que les gens, la communauté, ils sont différents. Hein? Dans leur niveau intellectuel, dans leur niveau social, etc., ils sont différents. Donc, il faut tout prendre en considération. قَدْ يُرَاعِ الْعَالِمِ حِينَ يَتَكَلَّمُ الْحَاضِرِينَ. L'homme de science, il fait très attention. Par exemple, tu prends Cheikh Mohamed Aman Jamin, حَفِظَ اللَّهُ تَعَالَى. Avant quand il a commencé l'Aqidat Hawiya, il commençait à parler sur l'Asha'ira, etc. Il a vu que lors d'Yal Asr, comme il nous l'a raconté Cheikh Abdullah al-Bukhari, lors d'Yal Asr, il y avait beaucoup d'awam devant lui. Ben, il a changé. Il a changé l'heure de ce cours-là pour ne pas perturber l'esprit d'Yal Awam avec les groupes, etc., avec les logiques de groupe, etc., leurs règles, etc. Ben, il l'a changé à Al-Fajr, et devant lui, Al-Fajr, se trouvait que les étudiants, les demandeurs de sciences. Et tout ça, l'homme de science, il le prend en considération. Donc c'est pour ça qu'il est très important, avant que nous, on fasse quoi que ce soit, avec son audio, avec les notes que nous avons prises, on lui demande. Parce que peut-être que ça, il te l'a dit pour toi, parce que tu as déjà un pied dans l'étrier dans la demande, et que ce qu'il t'a dit ne correspond pas au commun du musulman. فالعالم يراعي حال الذين أمامه هذا لو استحضر أنه سينشر على الناس فيطلع عليه فئات من الناس وبعقول مختلفة لكان جوابه يختلف عن الجواب الأول. C'est pour ça, comme l'homme de science prend en considération ceux qui sont en face de lui ou celui qui lui pose la question, si il se présente à l'esprit que le verdict ou ce qu'il est en train de dire, etc., beaucoup de gens vont l'avoir entre les mains, on va l'écouter avec des raisons différentes et avec des intellects différents, sa réponse peut-être serait différente pour qu'il puisse correspondre à toutes les catégories et à tous les niveaux. وبهذا ترون أن بعض الأسئلة التي يسأل فيها أهل العلم بالهاتف يكون الجواب مختلفا عما لو سئلوا مثلا في برنامج نور على الدرب فيكون الجواب هناك فيه تفصيل وفيه دليل وفيه تعليل ونحو ذلك. Donc, c'est pour ça que tu vois que les questions qu'on pose des fois aux hommes de science, par téléphone, ils sont différentes. La même question qui va être posée sur l'émission Nour ala Derb sur la radio, la réponse ne sera pas la même chose. Nour ala Derb comme émission, parce que ça va toucher beaucoup de monde. Ça sort de l'Arabie Saoudite, ça va, beaucoup de gens la captent à travers le monde. Donc, il va y avoir plus de détails au niveau des preuves. Il va y avoir plus de cas de figure, etc., avant de donner le verdict. Donc, il va y avoir beaucoup de paroles sur la même question. Alors que si tu lui poses la question au téléphone, la réponse va être brève, etc. Donc, les hommes de science prennent en considération les situations. Et prennent en considération ceux qui les écoutent et ceux qui sont présents devant eux. Donc, tout ça, nous, il est de notre devoir de le prendre en considération. Qu'est-ce qu'on va faire, wa alaykoum salam, qu'est-ce qu'on fait avec la parole de l'homme de science? D'abord, on lui demande son autorisation. Ça fait partie du comportement, savoir est-ce que, etc. Regardez maintenant, combien de livres maintenant ont été édités, à travers quoi? À travers les cassettes. Mais est-ce qu'ils sont édités directement comme ça? Non. Ceux qui vident les cassettes, ceux qui sont proches de certains, comme Cheikh Mohamed Bazmoun, Hafdallahu Ta'ala, et comme ceux qui ont vidé certains cours de Cheikh Abdallah Bukhari, etc., avant de les éditer et de passer à la maison, ils les ont retournés à l'homme de science, donc il a rectifié des choses. Des choses qui sont dites orales ne sont pas la même chose quand ils sont écrits, et ils ont rectifié beaucoup de choses, ils te le disent dans l'introduction. Et ça, c'est un comportement digne que nous devons avoir vis-à-vis des cassettes et vis-à-vis des duos de Mashaïr, de d'abord leur exposer avant de faire quoi que ce soit avec. يقول الشيخ حفظه الله تعالى لكن الجواب لك يكون على حسب الحال يصلح هذا ولا يصلح هذا يجوز ولا يجوز السنة كذا باختصار لأن الوقت يضيق عن أن يفصل لكل أحد. Donc, mais quand toi tu l'appelles au téléphone, la question va être par rapport à ta situation, ce qui va être bon pour toi et ce qui va être très facile pour toi pour que tu l'utilises tout de suite. Il va te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est permis, ça c'est pas permis, ça c'est la sunna. Mais en bref, il va te le dire parce que le temps est très limité. Et il n'a pas le temps au téléphone de te faire des détails et de détailler la situation avec toi. C'est pour ça que ceci, il faut le prendre en considération. Quand il te donne à toi le verdict, va pas donner ce verdict qu'il t'a donné à d'autres. Et croire que la situation est similaire, etc. Peut-être qu'il y a un truc, une cause que tu ne sais pas. Il y a un détail dans la situation du frère qui te paraît similaire à la tienne, qui fausse tout, qui va faire que le verdict va être différent. هذه من بعض الآداب المتعلقة بالسائل.